بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنشرع اليوم في الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة في شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Aujourd'hui, on commence le 12e cours dans cette série pour l'explication du livre Les fondements de la foi de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Et donc, un livre lié à la croyance islamique. Et donc, concernant notre cours, on est arrivé au hadith numéro 23. L'auteur rahimahullah qui nous dit Walahu, c'est-à-dire Al-Bukhari, An Abi Hurayrata radiallahu anhu qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yarhamuka Allah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idha ahabba abdan, nada ya Jibril, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibba, fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. Le hadith numéro 23 selon le Bukhari, rapporté dans le Bukhari selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ta'ala, il aime, s'il aime son serviteur, s'il aime un serviteur, il appelle Jibril, ô Jibril, certes Allah aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis Jibril appelle dans le ciel, certes Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les gens du ciel l'aimeront et il lui sera placé l'acceptation sur terre. L'acceptation sera placée sur terre en sa faveur. في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'amour, le caractère d'amour concernant Allah Ta'ala. فيجب علينا أن نثبت هذه الصفة لله كما يليق بجلاله. Et donc il nous est obligatoire d'affirmer cet attribut concernant Allah Ta'ala comme cela lui convient. Allah Ta'ala qui nous dit يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, Allah viendra alors avec des gens qu'il aime et que eux, ils l'aiment. Et Allah Ta'ala qui nous dit aussi Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Fallahu yuhibbu wa al-'abdu yuhibbu wa laysa hubbullahi ka hubbil 'abdi. Et donc Allah il aime et le serviteur aime, mais l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour du serviteur. ورأينا في دروس قد مضت أن محبة الله تنال بأسباب. Nous avons vu lors des cours précédents que l'amour d'Allah s'atteint par des causes. Même aujourd'hui, on en a parlé. Donc, concernant la madrasa avec les enfants, on a vu que pour atteindre, parvenir à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut faire des causes. Parmi ces causes, on a cité as-sidq, le fait d'être véridique et sincère. Hein, on a cité l'ihsan, le fait d'être bienfaisant. وَمِنْ أَسْبَابِ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى الْإِيمَانِ. Parmi les causes qui entraînent l'amour d'Allah Ta'ala, il y a la foi. Il y a la foi. Allah يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ. Allah, il aime les croyants. Allah Ta'ala qui nous dit dans son livre Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru, des croyants. Il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. Elle est où la preuve? Elle est où la preuve dans ce verset qui montre que l'iman, la foi, est une cause qui entraîne le fait que Allah aime son serviteur. Là. Waliyu alladhina amanu, l'allié. Mais il n'a pas dit il aime. Il n'a pas dit Allah aime ceux qui ont cru. Il a dit Allah est l'allié. Et donc, al-walaya al-mahabba. Allah est l'allié. L'alliance, qu'est-ce que l'alliance? Qu'est-ce qui est voulu par là? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit dans Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, il nous dit rahimahullah, aslul walaya al-mahabba wal-qurba. La base de l'alliance, la signification de ce mot, la base vient de l'amour et la proximité. L'amour et la proximité. Et donc Allah aime et il est proche de ceux qui ont cru. Il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. فالله تعالى يحب المؤمنين ومن أسباب محبة الله تعالى طاعته واجتناب نهيه تعالى. Et parmi, et donc Allah, il aime les croyants, et parmi les causes qui entraînent l'amour d'Allah, il y a le fait de l'obéir, le fait de lui obéir et de délaisser ses interdictions. Allah Ta'ala qui nous dit wallahu yuhibbul muttaqin. Et Allah aime les muttaqin, ceux qui vont obéir à ses ordres et délaisser ses interdits. Tu veux que Allah t'aime, obéis à ses ordres. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été rendue obligatoire, a été prescrite aux croyants à des moments définis. Fais ta prière à l'heure. Fais ta prière à l'heure. Tu veux que Allah t'aime ou tu veux que ton patron il t'aime? Ayyuhuma ahabbu ilayk. Lequel d'entre eux tu préfères? Tu veux que Allah t'aime ou ton patron? Pose-toi cette question. Ou ton professeur à l'école ou autre. Et aussi, parmi les causes entraînant l'amour d'Allah, il y a le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. » Dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera. إذن أنت تريد من الله أن يحبك فعليك بالأسباب ولا تتكاسل تجلس على أريكتك وترجو محبة الله. Et donc toi tu veux que Allah t'aime, accomplis les causes et ne sois pas touché par la fainéantise. Tu es confortablement assis sur ton canapé en espérant que Allah t'aime. Fais les causes. Ensuite, dans le hadith, il nous dit Abu Huraira, فَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَ جِبْرِيلِ يَا جِبْرِيلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُنَادِي جِبْرِيلِ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ. Et donc il nous dit que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit donc que Allah, lorsqu'il aime un serviteur, il dit, il appelle au Jibril. Certes, Allah aime un tel, alors aime-le. Et Jibril va alors appeler dans les cieux. Certes, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et aussi, wa yuhibbuhu Jibril. Et Jibril l'aime. Fi hadha ithbatu anna al-mala'ikata yuhibbuna ahl al-iman. Il y a dans cela l'affirmation que les anges, ils aiment. Les anges, ils aiment les croyants, ils aiment ce que Allah, ils aiment ceux qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils aiment ceux qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, ces anges, ces créatures qui ont été créées d'amour, de lumière, aiment les serviteurs d'Allah obéissants. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Alors les gens des cieux vont aimer ce serviteur. Et il sera placé sur terre l'acceptation en faveur de celui-ci. فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَأَهْلُ الصِّدْقِ وَالطَّاعَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ عَلَامَةً عَلَى حُبِّ اللَّهِ لَهُ. Et donc si tu vois que l'individu est aimé par les gens de la foi, les gens de la sincérité, de vérité, alors sache que ceci est un signe montrant que Allah l'aime et montrant que les anges l'aiment, cet individu. وَلَكِنْ هَذَا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالصِّدْقِ. Cependant, ça concerne les gens de la foi, les gens de vérité, ahlul haqq. فَلَا يُعْتَبَرُ بِأَهْلِ الْمَعَاصِي وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Et donc on ne prend pas en considération les gens des péchés et les gens de la passion. Leur amour n'est pas pris en considération ici. فَتَجِدُوا كَثِيرًا مِنَ السُّوفِيِّينَ يُحِبُّونَ مَشَيِّخَهُمْ. لَيْسَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُمْ. Et donc tu trouves beaucoup de soufis qui vont aimer leur cheikh, qui les appelle à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci n'est pas une preuve que Allah, il les aime. Au contraire. يُحِبُّكَ أَهْلُ الشَّرِّ هَذَا خَتِيرٌ. Au contraire, les gens du mal, les gens du faux, ils t'aiment. C'est dangereux. فكثير من الناس يحبون اللاعب الفلاني في كرة القدم أو المغني الفلاني ليس هذا دليلا على أن الله يحبه. Et donc beaucoup de personnes vont aimer un tel joueur de foot ou alors tel chanteur. Ce n'est pas une preuve que Allah Ta'ala il aime ce joueur ou ce chanteur. فانتبهوا. Alors faites attention, on fait la distinction, ce qui est voulu ici c'est Ahlul Iman wal Haqq, les gens de la foi et de la vérité. وفي هذا الحديث ما يدلنا على أننا يجب علينا أن يحب بعضنا بعضا. Il y a dans ce hadith ce qui nous montre qu'il nous est obligatoire de nous aimer mutuellement. Nous devons nous aimer. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Le prophète صلى الله عليه وسلم qui nous dit vous ne rentrerez au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Tant que vous n'aurez pas la foi, vous ne rentrerez pas au paradis. Et tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement, vous n'aurez pas la foi. Et donc il t'est obligatoire d'aimer tes frères croyants. Délaissez le shahna, les disputes, les conflits qu'il y a entre vous. Éloignez-vous de tout ça, les conflits futiles. Délaissez tout cela. Et concentrez-vous sur ce qui vous est profitable. Amam Allah tabaraka wa ta'ala. Et faites les causes pour l'augmentation de l'amour entre vous, entre Ahl Sunnah, Ahlul Haqq, les gens de la vérité. Fa'ahlul hi'a ahlul iman wal haqqi yuhibbu ba'duhum ba'da. Et donc les gens de la foi et de la vérité, ils s'aiment mutuellement. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres. Des alliés les uns des autres. Et l'amour. Revient ici encore à l'amour. Wa qala al-'allamah al-Fawzan hafizahullah فالطاعات سبب لنيل محبة الله ومحبة الملائكة وأهل الأرض والمعاصي على العكس فهي سبب لبغض الله لها ولصاحبها وبغض أهل السماء وأهل الأرض له لهذا يقول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض انتهى. Le très savant Al-Fawzan, Hafidahullah, il nous dit « Les actes d'obéissance sont des causes permettant d'obtenir l'amour d'Allah, l'amour des anges et des gens de la terre. Tandis que les péchés sont à l'opposé, sont le contraire de cela. Ce sont alors des causes qui entraînent la colère d'Allah, qui entraînent la haine venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, la haine venant d'Allah tabaraka wa ta'ala face à cet acte, ces péchés, mais aussi pour la personne qui a accompli cet acte, et aussi les gens, les habitants des cieux et de la terre. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Antum shuhada'ullahi fil ard » Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Fin de citation. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. يشير العلامة الفوزان هنا إلى حديث عظيم مر بنا في دروس أخرى أخرجها الشيخ أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Le Cheikh Al-Fawzan ici il fait allusion à un hadith grandiose et très important qu'on a déjà vu précédemment, qui a été cité par un Cheikhan dans Sahihain selon Anas ibn Malik رضي الله عنه. Selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليه شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجب له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجب له النار أنتم شهداء الله في الأرض. أنس بن مالك رضي الله عنه qui nous dit ils sont passés à côté d'une genèse. Ce qui est voulu par la genèse, c'est quoi? Le cortège funèbre. Non. La tombe. Non. Le tombeau? Le tombeau de la personne dedans? Non. La salade de mort? Non. La genèse, c'est un mot qui va être utilisé avec plusieurs significations. Tu as donc le cortège funéraire. Tu as donc l'élément sur lequel est posé le mort. Et tu as aussi le mort en lui-même. Le mort en lui-même, on utilise aussi le mot « genèse » pour lui. Le mort qui est porté. Et beaucoup de savants ils nous disent « ici, c'est ce qui est voulu ». Pourquoi ? Parce que tout de suite après, elle nous dit « Ethnaw alayhi khayran ». Ils ont fait ces éloges. Ils ont fait l'éloge de quoi ? De sa tombe ? Voilà, du mort. Ils ont fait l'éloge du mort. Et donc voilà ce qui a poussé beaucoup de savants à dire ce qui est voulu par Genèse ici, c'est le mort en lui-même. Et donc, les compagnons ont fait ces éloges. Le prophète, il a dit, « Wajabat, cela arrivera de façon impérative. » Ensuite, ils sont passés à côté d'un autre mort qui était transporté pour se faire enterrer. qui devait se faire enterrer. Alors, les compagnons ont parlé de lui en mal. Ils ont fait une critique sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela arrivera impérativement. Wajabet. Omar ibn al-Khattab, il dit, mais qu'est-ce qui arrivera impérativement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, concernant cela, concernant celui-ci, vous avez fait ses éloges. Alors le paradis lui arrivera impérativement. Et l'autre, vous l'avez critiqué. Alors l'enfer lui arrivera impérativement. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Tu te fais enterrer, tu meurs ici en France, tu te fais enterrer en France, et tu as plein de non-musulmans qui vont faire tes éloges, ou alors qui vont te critiquer, excusez-moi. Et critique. Ah, celui-là, il était musulman. Oh là là. Wajibet ou la wajibet? La wajibet. Taïb, qu'est-ce qui est voulu ici? Al-Iman. Taïb, ici, tu meurs et tu as les suiveurs de Daesh qui vont te critiquer. Oh, lui, ta route. C'est pas permis de prier sur lui. Et donc on a vu les paroles des savants concernant ce hadith. Et certains savants, ils ont dit hada khas fi sahaba. Ils ont dit ça c'est spécifique aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font les éloges sur quelqu'un et il lui arrive le paradis de façon impérative. Ils critiquent la personne, c'est l'enfer de façon impérative. Ils ont dit c'est spécifique aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants, ils nous disent hada lil mu'minin. Ils nous disent ça concerne les croyants. Ibn Abd al-Barr rahimahullah, il a cité une très belle parole. Hada lis sahabati wa man kana mithlahum fil iman wa sidq. Et donc il nous dit cela ça concerne les compagnons et tous ceux qui sont comme eux dans la foi et le caractère véridique. Et donc leur témoignage est accepté comme les compagnons. Ça ne veut pas dire donc que tu atteins le degré des compagnons dans la foi, ça veut dire que tu suis les compagnons. Fahad ali ahlil haqq. Et donc ça c'est pour les gens de la vérité. Fa idha ra'aita ar-rajul yuhibbuhu ahlul haqq fa hadhihi 'alamatun 'ala hubbillah lahu. Et donc si tu vois que l'homme est aimé par les gens de la vérité, ceci est un signe montrant que Allah Ta'ala il l'aime. Et donc le hadith numéro 24. An Jarir ibn Abdillah al-Bajali. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها رواه جماعة. Et donc selon Jarir ibn Abdillah al-Bajali qui nous dit nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a regardé vers la lune durant une nuit de pleine lune. Et il dit, certes, vous verrez votre Seigneur de la même façon que vous voyez la lune. La tudammuna fi ru'yati. Vous n'allez pas vous gêner mutuellement à cause de la foule pour le voir. Lorsque les gens, ils veulent tous voir quelque chose, ils se rassemblent en foule et ils se gênent les uns les autres. Là, vous n'allez pas vous gêner mutuellement. Lorsqu'on veut tous regarder la lune, si tous on veut regarder la lune, on va tous la voir sans se gêner les uns les autres. Sans que l'un ne gêne l'autre. Et donc, si vous pouvez ne pas vous faire vaincre concernant une prière avant, concernant la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Et ensuite, le prophète, il a récité « Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha » Et « Sabbih » et donc fait le tasbih pour ton Seigneur, par le nom de ton Seigneur, avant le lever du soleil et avant son coucher. Ce qui est voulu ici par cette bih, c'est la salat. On a déjà dit donc, التسبيح, parmi les noms de la salat, il y a التسبيح. Le hadith, il nous dit, l'auteur rawahu jama'a. Donc, ce qui est voulu ici donc, par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah. Ils l'ont tous rapporté ce hadith. Fi hadha al-hadith ithbatu ru'yati al-mu'minina rabbahum yawm al-qiyamah. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Ça fait partie des attributs d'Allah. Hmm? C'est la vision du croyant. Ah, barakallahu fik. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est la vision du croyant. Ici, ce qui est voulu, c'est la vision du croyant. Ce n'est pas la vision d'Allah Ta'ala. Ce qui est voulu ici, c'est la vision du croyant. Le cours d'aujourd'hui, c'est la vision du croyant. Le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Kama ajma alayhi ahlu sunnati, comme les gens de la sunna sont unanimes sur le sujet. Allah Ta'ala qui nous dit « Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira » Des visages seront illuminés en ce jour-là, regardant vers leur Seigneur, regardant leur Seigneur. Et Allah Ta'ala, il dit concernant les kafirines, concernant les incroyants, « Kalla innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjouboun » Kalla, certes, en vérité, ce qui est voulu ici, c'est haqqan. En vérité, ils seront privés. Ils seront privés de leur Seigneur. Ils seront privés de voir leur Seigneur ce jour-là. فَإِنْ كَانَ الْكَافِرُونَ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَةِ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دل ذلك على أن المؤمنين يرونه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. Ceci est une preuve montrant que les croyants le verront, comme l'a dit l'imam الشافعي رحمه الله. والنظر إلى الله تعالى أعظم نعيم الجنة. Et le fait de regarder Allah est le plus grand délice, est le plus grand des délices du paradis. Allah Ta'ala qui nous dit « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ » Il y a pour ceux qui ont été bienfaisants, « أَحْسَنُوا » Il y a pour eux « الْحُسْنَى » « الْحُسْنَى » c'est le paradis. « وَزِيَادَ » et plus que cela encore. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية إذا دخل أهل الجنة الأهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. L'imam muslim a cité dans son recueil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Ta'ala a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque les gens du paradis seront rentrés au paradis. Alors Allah Ta'ala dira, voulez-vous que je vous rajoute quoi que ce soit? Les gens diront, Alam tubayyid wujuhana. n'as-tu pas fait blanchir nos visages? Elam tudkhilna al-janna wa tunajjina minan nar. Tu nous as fait rentrer au paradis et nous as sauvés de l'enfer, nous as sauvés du feu. Alors Allah Ta'ala, alors le rapporteur du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fayakshiful hijab. Alors Allah, il lève le voile qui empêchait aux serviteurs de le voir. فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Il ne leur sera pas donné quelque chose qu'ils aimeront plus que le fait de regarder leur Seigneur Azza wa Jal. Et ensuite, dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا à la salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Si vous avez la capacité de ne pas vous faire vaincre concernant la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Et donc ce qui est voulu par là, ne pas se faire vaincre. Al-'Allamatul Fawzan, il nous dit ici ay fa in istata'tum an la yaghlibakum ash-shaytan. Voilà, tarlibakum nefs, fefalou. Le cheikh Al-Fawzan nous dit, et donc si vous avez la capacité de faire en sorte que le shaitan n'ait pas le dessus sur vous, et que votre âme n'ait pas le dessus sur vous, alors faites-le. Particulièrement pour ces deux prières. Et comme les musulmans, malheureusement, beaucoup de musulmans sont négligents concernant ces deux prières, Al-Fajr ou Al-Asr. Al-Fajr ou Al-Asr. Fal-Fajr yukhrijuna as-salata an waqtiha likawnihim yanamuna muta'akhiran. Concernant le Fajr, ils font sortir la prière de son temps à cause du fait qu'ils vont dormir tard. Il va dormir tard et après il s'étonne qu'il n'arrive pas à prier le Fajr à son temps. Mais par contre, si on lui dit il y a un travail au Luxembourg, il faut que tu sois là-bas à 7h15, à 6h30, il est devant la porte. Sah ou lala? Ah, les euros. 4 000 euros. Ah ben oui, 4 000 euros, c'est fini. Après. Et donc la prière du Fajr, il l'a fait sortir son temps parce qu'il dort tard. Ou al-Asr. Yukhrijuha an waqtihi likawnihi mashghulan fil 'amal. Et l'Asr, il va faire cette prière sortir de son temps parce qu'il est occupé au travail. Ah, cette prière, ah, t'es éprouvé. On est éprouvé par rapport à cette prière. Elle tombe en plein au moment où c'est pas la pause. C'est pas la pause. T'es au travail encore. Et elle finit après. Elle finit avant que t'aies fini le travail. Alors, tu fais quoi? Le patron... Et comment tu fais? Fin de mission. Hein? Combien de nos frères, malheureusement, combien ils tombent dans ce piège par rapport à Salat al-Asr? Fa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yahuthuna ala al-muhafazati bi hatayn as-salatayn. In kunna nuridu an nara rabbana. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire attention à ces deux prières si nous voulons voir notre Seigneur. Fais attention à toutes les prières et particulièrement ces deux-là. C'est une épreuve. Nous devons faire des efforts, les frères. Et combien sont éprouvés par rapport à ça? On a déjà parlé hier. Al-Hijra, l'émigration. Al-Hijra ila Allah wa ila Rasulih. Émigrer vers Allah et son messager. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue la semaine prochaine concernant ce même livre. Wafaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.